I'm here. C'est ça mon job. Vas-y, déteste ou bien me sucer le zob. Je m'en bats les couilles. Même si c'est vrai que t'as une vie triste, viens me péter. Je te rase de près comme à Fleet Street. Et j'en ai tranché des coups, dérangé les fous. Manque des coups, maintenant c'est cool, je fais danser les fous. Et dans ma tête, y a des restes de quand j'étais sous. Et quand j'ai des sous, j'oublie direct que le monde il est fou. Je veux manger, c'est tout. Pas besoin du pactole, pourquoi planter un pot? Plutôt planter le pain du pain. Lol. Pas trop pillable d'alcool si t'es bourré. Les poules pourraient pointer ta bagnole. Ma parole, comme dirait Danny Dan, je flippe comme un acrobat. Tout ce Satan et Jackie Chan. Bouge de là, car c'est moi qui plane. Je flippe comme un automatique. C'est les années tragiquement. Yeah. De la vie, c'est une quenelle dans l'anus à mon humble avis. Je sais qu'il faut taffer, je suis pas un caveau, mais travailler pour travailler, bravo. Est-ce que tu gagnes ce que tu mérites? Est-ce que tu vis comme tu mérites? Non, médite, tu fais juste partie d'un engrenage sans limite, à sens unique, dont les rouages méritent. Car ceux qui touchent ne taffent pas, prônent la douche mais ne se lave pas. J'ai toujours trouvé louche la bonne parole que ces croyants ont en bouche. Il faudrait qu'on soit pratiquant. Qu'on marche au pas. C'est quoi? Tu prends encore la retraite? T'as cru qu'ils allaient te laisser plus de miettes? Qu'ils allaient pas prendre une deuxième assiette de caviar? Faut que t'arrêtes la moquette. Ah non, je sais, tu voulais faire comme eux. Tu y as vraiment cru? Comment? Désolé de t'apprendre ça, mais tu vas même pas perdre le jeu. Tu joues même pas Ronan. Non, toi tu comptes les points. Tu fermes ta gueule et t'obéis. Tu ramasses les balles comme un chien. T'inquiète, si t'es sage, t'auras un biscuit. Et toi, t'en veux du biscuit pour ta part du gâteau? Tu sortirais le feu. Normal, t'écoutes ce que la pub te dit. Donc tu veux pécho de l'eau en bouteille et des nouvelles fringues. Mais t'es dingue, tu vois pas qu'ils font de toi une barre tringue. À la fin du mois, c'est qui fait la bringue? Le système, tu veux le rosser, trop lui mettre. Arrête de bosser pour des clopinettes. listen to you. Tell me that the earth is flat, just to say. Tell me life is sweet and I'll believe it. You squat my head, don't you want to squat my bed? Please do it, baby, all night long. Mais sérieux, laisse-moi te croquer dedans. J'ai trop fait le blanc avant de voir stopper le vent. Est-ce que tu crois que tous les deux on pourrait sauver ce plan? Sérieux, laisse-moi te goûter. Viens après on se carapate. Mais fais-moi douter, laisse-moi t'écouter. Viens me raconter que la terre est plate. Dis-moi que la vie est belle et je te croirai. Pour toi j'aiguiserai le fer et je le croiserai. Tant qu'à squatter ma tête, ne veux-tu pas squatter mon lit, ma jolie, toute la soirée? Y'a de la place pour toi dedans. Y'a même la place pour toi dans le temps. Mais c'est toi que j'attends. Tu sais très bien que je rappe pour le love et que pour le reste j'ai pas le temps. Va falloir que tu m'aides un peu. J'ai jamais su y faire avec les meufs. Va falloir que tu m'aimes un peu. Même si je sais que la vie n'est qu'un jeu, j'ai du mal à gagner malgré mes coups de bluff. Faudra que tu m'apprennes un peu. Je vais pas décrocher la lune, non mais tu m'as vu. Je garde comme une allure, voire une allure. J'ai tellement pas de muscles, t'es pas sûr que je suis là. Tellement pas de thunes pour les factures, ça suit pas en fait. J'ai rien à chip pour toi, mais c'est ça la fin. Laisse-moi te surprendre à chacun de tes pas. Je pourrais me suspendre à la vie comme un sherpa. Cherche pas, on fait pas plus fou que l'absinthe. Je veux me nourrir avec toi, courir avec toi, sourire avec toi, bébé. Je veux mourir avec toi et même après. Je crois que je veux courir avec toi, bébé. Comment te dire tous mes sentiments? Comment finir, sous ou pas, mais sous les draps gentiment? Comment, je n'ai jamais su comment trouver le propos ni le moment. Va falloir que tu m'aides un peu. J'ai jamais su y faire avec les meufs. Va falloir que tu m'aimes un peu. Même si je sais que la vie n'est. J'ai du mal à gagner malgré mes coups de bluff. Faudra que tu m'apprennes un peu. Si tu veux monologuer, j'ai trop de niveau. J'aurais pu être homologué par la torse du dio. Tu te rendras même pas compte. Si je décroche, c'est promis. Je te mettrai pas la honte si t'es plus moche que tes amis. Et puis je m'en fous des normes. T'es tout juste appétissante. Je suis sûr que tu penses que t'es énorme. Bien sûr ça compte les formes, mais ton sourire m'aurait suffi. Donc je le rappe haut et fort. Pas besoin d'effort pour me succomber. Appelle-moi car je suis tombé comme dans un putain de précipice avec toi. Appelle-moi et je me précipite. Où tu veux, appelle-moi. Comme tu veux, pourvu que tu me ressuscites. Car je suis comme mort ou sous l'emprise d'un sort. C'est pourquoi je te sollicite. Va falloir que tu m'aides un peu. J'ai jamais su y faire avec les meufs. Va falloir que tu m'aimes un peu. C'est que la vie n'est qu'un jeu. J'ai du mal à gagner malgré mes coups de bluff. Faudra que tu m'apprennes un peu. Je vais la séduire. elle fait trop blabla. Sérieux, parle-moi de ta sœur. Elle fait quoi? Elle est où? Je veux tout savoir, le meilleur. Assure mon pote, arrange-moi le coup. T'es mon pote ou pas? Je veux que tu me marques avec ta sœur. Que tu capotes ou pas? Je m'en balais, sois fort, assure. T'es mon pote ou pas? Entre nous, pas de censure. Tu trouves ça bof, moi comme bof, t'en penses quoi? Moi avec ta sœur. Tu galères à t'exprimer, bah viens on bégaye, je suis en galère aussi. Au cas où t'aurais pas remarqué, qu'est-ce que je fous ici? Quand je me suis embarqué, ouais ça tourne dans ma tête, comme un trou dans l'arène. C'est flou et pas net, viens faire un tour de manège. T'es tout un casse-tête, mais t'as tout, t'es parfaite. Je voudrais que ça s'arrête, mais c'est pas tous les jours la fête. Laisse-moi te séduire, t'amadouer, te prédire un avenir doué du bois d'un badoué. Je veux danser avec toi sur un son d'Eric Abadou. Regarde partout, y'a pas plus de. Charisme et là se dresse. Sale bruit strident qui crisse mes dents et dresse mon épine dorsale. Je ne rêve plus, je crève. C'est quoi ces faux gens? Bus, métro, je suis où? La vie c'est urgent, laissez-moi tranquille. J'étais bien au Bahamas, je ne veux pas revenir. Les pieds dans la mélasse, un contrôleur passe et sans dire bonjour me fait face. Moi je le prends avec humour. Ticket à boîtier, non merci, j'en ai déjà un. Peut-être un autre jour, la réalité me colle à la peau comme une putain d'énigme d'Edgar Allan Poe. Je veux un son qui détend et un peu de repos. Un hamac, un sombrero, un pulco et du tempo. Un hamac, un sombrero, un pulco et du tempo. Yeah. Et puis mon épéda. Il me faut mon épéda pour dormir autant que médite un petit Bouddha. À l'heure où sortent les voleurs des contacts, moi je m'emporte dans les vapeurs psychopathiques. Car besoin de ciel, besoin de rêve. Quand chaque matin la vie m'achève, elle est une ellipse. Entre la naissance et la mort, une éclipse. Le nirvana c'est quand tu t'endors. Et j'ai rêvé de peace. Y'a de l'amour au fond de tes iris. J'ai vu les fleurs parsemer notre maison, les rires, les pleurs. Dans le garçon, j'ai une vision émerveillée. Non, c'était trop bon, je ne veux pas me réveiller. Laissez-moi vivre dans un monde onirique. Mais dormir, c'est mourir de la vie ironique. Thank you. glisser, yo. Bah, il fallait s'y glisser avec les yeux plissés, yo. Ne pas laisser passer les tasses et les clashs et les places. Au fond de la classe, on sait, c'est prévu pour pioncer. Je vais minimiter mes phases, imiter mes sages. Dans 10 euros, aux disant aux autres, lisez entre les pages. J'ancre les marges, le savoir est une arme. Je suis barge, moi je vais l'utiliser. Pire, pire, je te tire dessus. Pire, je rime sur cette démocratie où la raison du peuple n'existe plus. C'est trop facile de dire que le peuple ne décide plus. Je veux le pouvoir, pas le donner. Donc voter ne m'excite plus. Voter ne m'excite plus. Bien longtemps. Et c'est facile de perdre espoir, comme de mater les infos. Avec du pouvoir, d'esquiver les impôts. Pour moi, kicker les impôts. Passe un soir sans écouter, c'est déjà un trop. C'était que l'intro. Mais là faut que je m'exprime, car c'est bien bon dans le micro d'aligner des primes. Préviens les victimes. Dehors y'a plus de robots et c'est un peu à cause de Clickstream. Mais que fais-tu peuple? Tu baisses les bras, tu laisses l'État se faire niquer, c'est ça. Comme si tu croyais pas, comme si tu croyais plus. C'est la fin de la démocratie un peu à cause de toi. Pourtant le peuple est cloué au sort. Et ouais, le peuple s'enlise. Mais la force est en lui, non seulement moi j'y crois, mais y'a des sages qui le disent. Malgré ça, le peuple s'enlise. Il reste cloué au sol. Dis-moi, faudra-t-il libérer le peuple pour qu'il décolle? Sidérer les masses pour qu'elles s'affolent? Réparer nos armes à coups de bricoles? On rafistole et tu te demandes pourquoi des tonnes de gars se noient dans l'alcool et s'envoient des drogues dures, se font péter la cervelle. Viens voir, c'est dur d'assumer le réel. Des sous manquent à l'appel à chaque jour. Passer aussi vrai que tu devrais d'elle. Pour chaque million passé, mais perdre espoir, c'est facile. Comme regarder les infos. Avec du pouvoir, esquiver les impôts. Pour moi, kicker des impros, je t'ai déjà dit. Passe un soir sans m'écouter, c'est déjà un trop. C'était que l'outro. Ce son te détend, apaise tes tympans. Mets-toi à hiberner et dis-toi qu'il est loin le printemps. Trop tard, tu l'entends, tu rentres dedans. Tu voulais tracer dans ta chambre, tu dormiras sur le divan. Car ce son est trop divin, enroule-toi dans ton duvet. Tu l'écoutes au soleil, tu fais une eau des duvets. Hier soir tu buvais, tu commences à décuver. Allume ta chair, ça fait du bien, c'est prouvé. Avec du son qui détend en détend. Avec du son qui détend. C'est ça. Mais là je te parle pas de monnaie. Nada, je te promets que même pour une bonne paire de seufs et plein de haches, c'est faux. J'ai pas de carton, ni bagardonné. Je suis un type tout doux. Je frappe pas mes caresses, malgré ma paresse. Mes rap tard et paresse, à ce qui paraît. Je suis fou, j'ai de la malice, mais pas de ralice, m'en fous. Je veux juste ma mise, je rappe pour le love. Je suis même pas anti-police. Y'a des CRS pacifiques et des condés pacifiques. Ça, je rappe, je te sauve, m'immisce. Oh, dans ton crâne profond, dans ton cœur, je glisse. Et moi je rappe pour le love, miss. Des fois j'ai l'impression que j'y dors, fils. Je rappe pour le love, peace. Appelle-moi rap Safari. Moi j'aime pas ça quand ça tape Safari. Mais je fais tout pour que tu bouges ton tafari. Garde face facile, il ira pas charri. Mais quand tu cherches un vrai MC, abracadabra j'arrive. Thank you. Smooth.